avait tout plein de soleil ce joint-là. Un vent léger que les nuages décoraient. Il y avait aussi sous les arbres de la paume un cuistot avant-service qui attendait glace. Et mon cerf-volant qui planait. Et moi, moi qui rêvais. Il y avait pas loin, dans la rue qui montait, une terrasse ombragée où il faisait bon manger. Des frites à l'ancienne, les bouchons nouvelles et le vin d'Alsace dans des bouteilles en terre. Et mon cerf-volant qui planait. Et moi, moi qui rêvais. Des passants s'arrêtaient vers la fin, estomac et portefeuille mis au parfum. Commandaient la mer en buvant leur bière, en attendant un bol où se salir les doigts. Et mon cerf-volant qui planait. Et moi qui rêvais. C'est quand l'ambulance est arrivée que les clients ont enfin compris qu'il n'y aurait plus jamais de bière, pas de moule aujourd'hui. Et mon cerf-volant qui plane. Et moi qui rêvais. Le resto a fermé juste avant midi. Le cuistot est tombé, le vent aussi. Près de la paume, il y a toujours un cerf-volant coincé dans les branches. Un fil s'est cassé. Et moi, j'ai grandi.